suis dégoûté. Je me réveille, j'ai rêvé de ma chérie. Comme un rayon de soleil dans la ville de la pluie, j'ai rêvé qu'on vivait loin des ennuis, le genre de rêve qu'on aimerait faire toutes les nuits. Je suis de bonne humeur ce matin. Y'a des matins comme ça où on voudrait rester au lit, mais c'est la vie, c'est la folie. Faut jamais se laisser aller, alors de temps en temps on craque et on se met à chialer. Parce que tous les jours on se bat pour pas se sentir inférieur. On mène tous un combat contre nos démons intérieurs. J'suis pas plus fort que toi, j'suis seulement un terrien. Et quand y'a quelque chose qui va pas, j'interviens. La nature humaine est bonne, mais faut parfois bien fouiller, farfouiller pour comprendre ce que certains peuvent trifouiller. J'aime broyer ceux qui font qu'aboyer, se comportent comme des employés, les têtes de faux cul comme Laurent Boyer. Il est temps de les renvoyer, vous voyez. La mer est pleine de requins, mais j'suis pas venu noyer. Quand j'aperçois un aileron, je remonte sur mon voilier. Pourtant, certains me croient fou allié, parce que j'écris des listes et des chansons par milliers. Depuis plus de 10 ans, je fais du rap, j'aimerais en faire mon métier. Mais franchement, j'y crois trop, j'ai appris à méfier. Si aujourd'hui je fais un album, ça paraît peut-être prématuré, mais je me sentais maturé. Bam bam, j'en balance la purée. Pour beaucoup, ce sera pourri, pour certains, c'est de la tuerie. Quand je vois cette étincelle qui brille dans les yeux de mes amis ou de ma famille, à l'écoute d'instinct de survie. Y'a pas de mots pour dire tout ce que je peux ressentir, alors je me remets à écrire, c'est comme ça qu'on s'en tire. J'crois qu'il y a comme ça que je pourrais m'en sortir. D'intérim en CDD, tous les jours je trime et j'essaie d'aider. En essayant de pas porter trop d'intérêt à CPD. Quand je déprime, je me fais un DVD. Ça me permet de vider mes idées d'évader. C'est pas sans hésiter que j'ai décidé de gambader. De Paris à New York ou Guadalajara. Pour avoir une vie meilleure et niquer la hara. C'est important d'avoir la foi, que ce soit en Allah ou en soi. Ouais, c'est me cas, qu'est-ce que tu crois? Je suis prêt à tout pour réussir, mais pas à faire n'importe quoi. Même si aujourd'hui je bouffe des pâtes 14 fois par semaine. Avoue que ma poésie t'épate, même si j'attends que la gloire s'amène. J'ai parsemé mon chemin de parchemin et par ça même. C'est pour ça que je percerai. Peut-être dans mes rêves, peut-être pas à reine. C'est pour ma reine et grâce à elle, j'ai pas la haine. Chercher à me stabiliser, c'est pas la peine. Parce que mes pensées partent dans toutes les directions. On pourrait comparer le récit de mes réflexions à une compagnie aérienne. Pour les gens que je représente, je me présente de manière indécente. Et si je plaisante, c'est pas juste pour un de mes chats sans plus d'instinct. Tu recherches la nouvelle star, enchanté. Je fais des morceaux de bâtard et sans refrain chanté. Je garde l'esprit déjanté et ma tête de jointé. Quand t'es dégoûté, dis-toi que l'espoir fait vivre, il suffit de m'écouter. L'espoir fait vivre, il suffit d'écouter.